Adieu, foulard. Adieu, madras. Adieu, grain d'or. Adieu, collier chou. Tout doux en moi qui capatit. Hélas, hélas, c'est pour toujours. Tout doux en moi qui capatit. Hélas, hélas, c'est pour toujours. Bonjour monsieur, le commandant Rayet. Bonjour monsieur, le capitaine. Moins vite et fait, anti-pétition pour laisser tout de moins, pas moins. Moins vite et fait, anti-pétition pour laisser tout de moins, pas moins. Mademoiselle, il est trop tard, la consigne est déjà donnée, le navire est sur la bouée, dans un instant il va appareiller. Le navire sur la bouée, dans un instant il va appareiller. Adieu foulard, adieu foulard, adieu ma grâce, adieu ma adieu printemps, adieu collier chou. Adieu, madras.